Le porte-parole de l'Association d'études des droits de l'homme de Corée a répondu le 12 janvier à la question du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée pour accuser le chef de l'Office des droits de l'homme de l'ONU à Séoul qui met en cause les droits de l'homme en République populaire démocratique de Corée. Il a dit notamment: le 8 dernier, le chef de l'Office des droits de l'homme de l'ONU à Séoul, Corée du Sud, a accordé une interview au journal britannique Daily Star. Il y a prétendu qu'il n'y a presque pas de témoignages de ceux qui ont été dans les camps de concentration de la Corée, surtout des évadés récents, qu'il y a une très grande restriction, car il recourt à des témoignages des évadés des camps de concentration. C'est une conduite ouverte qui se joint à la démarche des États-Unis et de leurs suivistes, ambitieux de supprimer notre régime sous prétexte absurde du problème des droits de l'homme. L'Office des droits de l'homme de l'ONU, installé à Séoul de Corée du Sud, le pire endroit des droits humains dans le monde, est justement un dispositif destiné à l'application de la politique des États-Unis pour supprimer la République populaire démocratique de Corée. Ce n'est rien d'autre qu'un office pour la conspiration contre la République populaire démocratique de Corée qui collecte des mensonges faits par les déserteurs du Nord sous la pression politique et pour gagner de l'argent. Il est déjà révélé depuis longtemps que tous les déserteurs du Nord poussés à la campagne contre la République populaire démocratique de Corée sont en état où ils ne peuvent vivre que grâce à des faux témoignages. C'est dérisoire de considérer comme témoignages les mensonges inventés par ces rebuts de la société qui ont abandonné leur patrie bienfaitrice, leurs parents, leurs femmes et leurs enfants. Le chef de l'Office des droits de l'homme de l'ONU a avoué que la situation est créée où l'on ne peut plus recueillir des témoignages de déserteurs. Il a donc reconnu que les forces hostiles ont livré jusqu'à présent la campagne démagogique autour des droits de l'homme de la République populaire démocratique de Corée, absolument sur la base des témoignages des déserteurs, et qu'il est très difficile maintenant d'inventer et d'utiliser les témoignages. Nous ne pardonnerons point toute personne qui politise les droits de l'homme à l'aide des témoignages des déserteurs, et nous n'aurons pas d'affaire avec elle.